Chapitre 330, la réprobation de nommer la vigne Carme. 1740. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'utilisez pas le terme Carme, mot tiré de la racine Karam qui signifie généreux, pour désigner la vigne, car le Carme est le nom du musulman. » Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. Dans une autre version, parce que le karme, c'est le cœur du croyant. Dans une autre version rapportée par Al-Bukhari et Muslim, les gens nomment la vigne le karme, alors que le karme, c'est le cœur du croyant. 1741. Selon Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne dites pas karme pour désigner la vigne, mais utilisez plutôt les termes « inab » ou « habala ». Muslim.